Dream Boy. Tu sais pas ce que je suis prêt à faire pour mon ego. Donc je dis t'es pas de ma Dream Boy. Tu sais pas ce que je peux te mettre pour des pesos. Chez nous le méchant qui vit, toi on te coule un peu fort en sadie. Toi, deux fois il n'a repus, je taffe. Beaucoup de magos dans une planque, il t'a mise à l'envers, pas de blague. Pas de bol, le 9-4, t'es comme Snoopy. Pas quoi de fumée, on fourre ta fumasse. Enfoiré me guette plus qu'un masque. Soit t'es avec nous ou t'es contre nous. Carré dans le bourreau des fonctionnaires. Capitaine n'est pas dans le game. Faut ralentir ma chérie, calme-toi. C'est pour ce papier qu'on se lève tôt. T'es mon frérot, y'a rien. Tu t'en heureux comme un tartin. Je coupe la dope, je suis dans le couplet. T'entends mon couplet. J'ai fini mon gobelet. Tous les plans sont établis. Tu pensais vraiment qu'on allait plier. Aller-retour comme un client. On fume la frappe et tu connais les boys. Dans la ville, c'est nous les bad boys. Cramé sous la pluie comme mes négros sont raptés comme des pirates. On cherche pas de tol. Quand je suis dans ces grosses fêtes, je m'étais fait, c'est comme si je jouais du tam-tam. Quand je suis dans ces grosses fêtes, je m'étais fait, c'est comme si je jouais du tam-tam. Tu sais pas ce que je suis prêt à faire pour mes négros. Tu sais pas qui peut te la mettre pour des pesos. Ok, pas de soucis, j'ai mon fait sur moi en cas de problème. Et si je t'avance, c'est un vrai poteau, tu connais le deck. Tu t'es pas de ma team.